Lamparo. Oui, mais voilà. Porte de Gavarron maintenant. Mais ça, l'histoire. Ça ne se vend pas eu. L'explication parce que les gens n'achètent plus avant, ils s'y jetaient dessus. Et maintenant, ça ne s'achète plus parce que c'est long à préparer, les gens travaillent et ils n'ont plus la patience de nettoyer ce poisson. Et ah, ben, la société de consommation, maintenant, elle évolue avec le temps. Hein. Ça, il faut... C'est bien la vérité. Mais alors, entendons-nous bien, vous me parlez des salins. Hein. Là, c'est toujours des salins. Tout ça, hein, vous ne me parlez pas de l'ensemble du... Non. D'accord. Quand je vous ai parlé des endroits où le petit métier avait un complément, mais ici, non. Oui. Ici, c'est qu'il y a toujours été, je vous l'ai dit, c'est fondamental. C'est la pratique locale, c'est l'enfant, de tout temps, de toujours. Et quelques petits métiers perdus dans le nombre, là, mais j'étais pas même à être remarqué. Qu'est-ce qu'on attrape comme poisson à la fouille? Toujours du beau poisson. Mais du genre ça. Ça va de la sope, sarde, dorade, loup. Oui. Voilà. Sèche, poulpe, encornée aussi. Ouais. Mais la plupart des cas, ce sont soit du sarde, de la sope, de la dorade, ou tout des sardes, et des sopes, et des sardes, et des dorades. Oui. Comment vous repérez les coins? Mais c'est la profondeur qui vous donne du coup. Hein. Vous savez par exemple que dans le sable, vous ne pêcherez pas, parce qu'il n'y a personne qui s'y promène. Hein. Oui. Mais au bord des mâts, il y a des trous, vous repérez ou dans les rochers. Mais vous y allez un peu au hasard ou vous savez les, non, les connaissez d'avance? On ne va jamais au hasard. Enfin, on sait que par la pratique, que certains endroits sont plus profitables que d'autres. Hein. Oui. Ça aussi, ça existe, c'est vrai. Il y a des lieux qui sont plus fréquentés que d'autres. Et du temps de votre père, ça se faisait, ça aussi? Le fossier? Oui. Alors, plus que maintenant. Plus que maintenant. Oui. Les anciens étaient plus... Eh bien, ce sont les anciens qui l'ont créé, ça c'est pas nous. Hein. Nous le délaissons parce que c'est pas été dans notre pratique. Hein. Et le palangre aussi? Le palangre, c'est mon premier métier. Ça a toujours été le métier de mon père. Oui. Par tradition, mon père, il n'a jamais fait aucune espèce de pêche au filet. Il n'y a que la maison. Il était en Algérie, c'était l'Inasse. Il a grandi avec un seul métier, la maison. En Algérie, c'était beaucoup l'Inasse et le palangre. Ouais. Bon, et ici, en dehors du les petites nasses et tout ça, vous en avez jamais fait? Si. Ah. Alors, il n'y a pas que le gant. Mais si, voilà. Mais si, je ne vous parle pas des salins. Hein. Si, les salins. Les salins. Non. Enfin, bon. Et il n'y a jamais eu d'ostriculture ou de trucs comme ça dans le coin? Non. Il y a la pratique de la moule qui s'est fait maintenant. Qui est commencée, qui est entamée. Une espèce de reconversion. De reconversion, non, mais quelques-uns essaient d'essayer de complémentariser un peu ce qu'ils font pour essayer d'améliorer leur situation. Ça peut leur être profitable, mais. C'est beaucoup risqué, de grandes difficultés, mais s'ils aboutissaient, le résultat certainement serait favorable. Oui. Ça serait rentable. Allez-y. Je vais vous demander si vous avez vu le programme. Oui. Alors, vous avez des documents? Ouais, pas quel chat. Non, mais j'ai vu aussi M. Emprime, qui est le secrétaire de... Ah, M. Emprime, qui est mon voisin. Qui est votre voisin, qui cherche justement dans les documents qu'a dû lui remettre, quand ils ont changé de secrétaire, M. Bourdon. Alors, il doit vous traduire et apporter quelques renseignements. Donc, il doit me les donner, et pour l'instant, il m'a dit qu'il avait cherché, qu'il ne les avait pas trouvés, mais qu'il l'a dans son grenier, qu'il attendait qu'il fasse moins froid. Alors, je vous ai coupé les sifflets, là. Moi, j'aurais voulu que vous m'expliquiez le cycle de végétation, parce que tout le monde, en rapport avec la pêche, si vous voulez. Parce que j'entends tout le temps dire, là, quand je suis sur le port, en ce moment, c'est pas bon, parce que, enfin, en ce moment, ça recommence, mais il y a les algues qui s'arrachent, etc. Au Gangui ? Voilà. Alors, au Gangui, c'est bon, maintenant. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez ça clairement, parce que... Les algues qui s'arrachent, elles ne s'arrachent jamais. Non, mais il y a des saisons. La posidonie est une plante, comme toute autre plante, elle est marine, de nature, elle est aquatique, disons. Oui. Et elle est néanmoins caduque. Mmh. Alors, elle a son temps de naissance, elle a son éclosion, elle a sa vie. Elle a son mûrissement dû au soleil et elle a aussi sa chute. Une algue, une posidonie, une feuille de posidonie, ne vit qu'un an. Chaque année elle vit et chaque année elle meurt. Elle se reproduit elle-même. Et lorsque l'algue, disons, aux abords de août-septembre, et juillet, je crois que c'est le point culminant où nous on appelle ça l'algue, hein, atteint sa grandeur maximum. C'est là qu'elle est la plus haute et la plus dure. Oui. Elle est dure. Et en août, elle commence déjà, les pointes commencent déjà à mûrir comme les feuilles d'un arbre. Vous voyez, on les voit devenir marron. La chance est grise et marron, jusqu'au mois de novembre où l'ensemble de la plante devient noir. Noir. Alors d'elle-même, elle commence à se casser ses fruits. Et il faut un gros mauvais temps pour tout nettoyer. Oui. Nettoyer à la racine. Et il y a la pousse qui revient. C'est une olive qui est à même le fond, qui s'éclot comme qu'on appelle ça les trucs qu'on met pour les fleurs là. Un bourgeon, un bouton. Ben, le bourgeon il est en haut. Mais ça, c'est pas le bourgeon que je vous parle du bas. Enfin, aux abords déjà de fin décembre, on arrive déjà à distinguer des nouveaux plats. Et là maintenant, sur les mats à terre, à l'époque déjà au 15 janvier. Il y avait des pousses qui ont déjà cette hauteur. Oui. Il y avait 15 cm déjà. Oui. Ah ouais. Bah, ça va de soi que plus le fond et plus l'eau au fond est court, plus il bénéficie de l'action du soleil et plus vite la plante se développe. Oui. À mesure que vous déclinez jusqu'au niveau de 35 mètres, c'est la limite, on ne retrouve plus de profil. Hein, mais la plante du bord, tout à fait du bord, sera plus importante dès les premiers jours de janvier, alors que celle qui se situe à 15 mètres n'aura pas la même importance à la même époque. Oui. Oui. Donc en ce moment, sous l'eau, c'est le printemps, on peut dire. Non, même pas. Non. On ne peut pas dire que c'est le printemps, parce que les pousses reviennent. Parce que quand la feuille sort, il y a plusieurs catégories d'algues. Alors, ça, les milieux scientifiques sont plus qualifiés que moi. Ça, je sais pas. Je l'ai même vu quand j'ai eu l'avantage de visiter un peu les trucs à propos là-bas. Il y a plusieurs types de posidonie. Hein. Il y en a qui montent, disons. Justement, on voit les bourgeons en bout se développent. Et ça, c'est des remarques que nous, on n'a pas cherché à faire. Hein. Nous, ce que nous savons de par nos anciens et les remarques que nous avons fait nous-mêmes au fil des années, c'est que chaque année, c'est rituel, ce phénomène se produit depuis des décennies. L'algue qui est venue normale en début d'année, avec son temps, elle vit jusqu'à son point culminant, et puis elle se mûrit au point de se perdre. Et pour nous, c'est l'aide d'un gros temps, qui pour nous est le plus favorable, c'est quand il arrive la mi-décembre, ou la Noël. Oui. Les anciens qui ont fait toujours ce métier, disait toujours que les fonds ne seraient pas propres tant qu'on distinguerait des feuilles sur les platanes. Quand le platane n'a plus de feuilles, le fond de la mer est propre, il y en a plus qui revient, l'autre a été nettoyé. Et donc ça, ça détermine une période pour pêcher? Eh bien, vous avez une meilleure pratique du métier quand les fonds sont propres que lorsqu'il y a la chute des algues, parce que quand il y a la chute des algues, vous récupérez cette algue cassée et ça empêche au filet de se développer et de travailler favorablement au fond de l'eau. Oui. Oui. Parce que quand le filet est rempli d'algues, ça, ça gonfle le filet abusivement et il se produit un phénomène, c'est que, vous savez, un renvoi d'eau, c'est un refoulement de l'eau à l'intérieur du filet dû aux algues. Ce refoulement d'eau empêche le poisson de rentrer et celui qui est déjà rentré ressort. Vous voyez ? Oui. Alors que quand il n'y a pas d'algues, presque pas d'algues, vous avez une meilleure capture et celui que vous avez capturé qui est dans le filet, vous le conservez. Et puis vous avez la possibilité de travailler parce que quand il y a des algues, vous arrivez à des algues tombées, l'algue cuite, vous arrivez à avoir des tas énormes sur le pont. Uniquement de l'algue, il n'y a pas un poisson dedans. Hein. Et donc, quand l'algue est cuite, comme vous dites, vous relevez plus souvent ou comment on fait pour... Eh bien, quand l'algue est cuite, en principe, dans les jours meilleurs, on s'est abstenu de faire le gang, il n'y allait pas. Oui. Les bateaux pratiquaient la pêche violée ou au chalut. Voilà. Ça permettait d'économiser la pêche, c'est-à-dire que le poisson... Ils se reproduisaient plus favorablement parce qu'il y avait un meilleur équilibre. Ils se répartissaient beaucoup plus tranquillement. Ils n'étaient pas agacés, ils n'étaient pas traqués, rien. Et que maintenant, ben, pour le besoin, c'est pas tellement favorable. Cette algue, c'est celle que vous appelez la hougue. La hougue, ouais. Et l'herbier, c'est ça. L'herbier, c'est ça. C'est ça, c'est la hougue. Commencez à en connaître les termes, hein? C'est bien ça. Et par son appellation en termes provençal, quelque chose de près, hein? Les appréciations sont les mêmes de partout en tant que. Les appellations, disons, en termes provençal, hein? Tout ce qui est littoral, surtout à peu près dans les mêmes définitions. Hein? Tant qu'appellation en provençal. Oui, parce que j'ai cru comprendre ce matin en discutant avec un pêcheur que, bon, effectivement, en ce moment, quand si par hasard il sortait, il était obligé de relever, je ne sais pas si c'est comme ça que vous dites. Tous les trois quarts d'heure à peu près, alors que sinon ils font des. Ils traînent deux heures de temps, c'est ça? Oui, maintenant ça commence à être bon. On prend beaucoup moins d'algues. Mais pour le mois de décembre, c'est dur. Hein. On commence à gagner du temps, ça va voir quoi. Là, maintenant, dans le mois de janvier, j'avais encore. Un bon coup d'est, là, ça décaperait, disons, pratiquement tout. Ça serait vraiment tout propre. Oui. On a connu des années où les temps ont été très forts et au bon moment, que les fonds propres étaient en exagérant comme le fond. Vous avez vu comment sont faits les bateaux? Oui. Et sur le pont, il y a des rebords pour le coulement des eaux. Donc, quand il y a beaucoup d'algues, on ne s'en occupe pas. On vide la sacrée sur le bord, là, puis on trie là. Il y a des époques où, de ne pas avoir un peu d'algues pour boucher les trous, parce que vous vidiez la crevette et le poisson, et ça passait à travers. Oh là. De ne pas avoir de l'algue dans le filet. Alors, ne pas avoir de l'algue pour boucher les trous, ça veut dire pas grand-chose. Hein. Mais vous ramassiez les crevettes comme ça, là, à la main. Hein. Là, oui, ça s'est fait chier. Mais ça ne s'est pas connu toujours, ça. C'est quoi les vents favorables pour le baringui? Mais c'est-à-dire que les vins favorables, bah, c'est les vins qui nettoient les fonds. Lorsque les fonds sont propres, c'est là que la pratique est favorable. Donc le levant. Mais ce sont les vins d'Est, plutôt sud-est même, et le sud, autrement dit le label, le Libeccio. Alors cela il décape. Hein. Ils font mal parfois. Et maintenant, quoi que nous, on arrive à fabriquer, mais on n'est pas des mieux. Il y a des porcs qui étaient vraiment, vraiment dans la misère. Hein. Le miel agi de la Mandou, auparavant, maintenant ils ont un porc qui fait partie des porcs exceptionnels de la Mandou. Et que dans les années de. Avant la guerre de 40, bien sûr. Là, c'est la pression d'eau qui est. Eh bien, il n'y avait pas du tout de port, la Mandou. Hein. Il fallait tous les soirs, il fallait tirer le bateau à terre. Il fallait tirer le bateau à terre pour peur de le perdre. Hein. Il n'y avait pas d'abri. Hein. Et chaque bateau sur la Mandou, pas ici, parce que ici, déjà, l'importance des bateaux rendait la tâche plus difficile. Hein. Mais la Mandou, par exemple, ou dans les autres ports, soit à Cavalère ou Saint-Tropez, c'était toujours des petits pointus. Hein. Eh bien, chaque bateau avait des morceaux de bois qu'on appelait des palins. C'était des morceaux de bois de chêne. C'était grandeur, environ 10 cm d'eau. Ils avaient une gouttière centrale qui était calculée pour la largeur de la quille et toujours excessivement suffée. Oui. Les bateaux, à cette époque-là, pratiquement naviguaient tous à la voile. Le dessous n'avait pas de ferrure, il n'y avait pas de bande molle sur les quilles, c'était que du bois. Alors bois sur bois, ça glissait, avec l'aide du suif, ça glissait, et un palan, vous voyez, qu'on frappait en droit, soit avec un piquet, on avait le palan dessus, on mettait les palas dessous le bateau, et le bateau glissait tout seul, on arrivait à mettre ça au sec. Tandis qu'ici, ça n'a jamais existé. Non, l'important, c'est le bateau, c'est trop important. Alors, il y a eu aussi. Au début, malgré tout, il n'y avait pas de port. Hein. Il y a une centaine d'années, il n'y avait pas de port. Ah bon? C'est que lorsque le port a pris l'appellation de Port Coutillot, que la marine s'est installée, et c'est la marine qui a dressé l'abri d'abri là, pour s'abriter eux-mêmes. Et ça a traduit un abri pour les pêcheurs, par la même occasion. Mais les premiers bateaux de pêche ici qui faisaient gagner, ce n'étaient pas des gros bateaux non plus. Hein. Les bateaux qui faisaient à la pêche à la voile, vous savez, c'était des bateaux qui faisaient. 28 pains, les bateaux de 7 mètres, ouais. 7 mètres, 7 mètres 50, 8 mètres, 8 mètres 50, c'était des gros à l'époque, hein, qu'on naviguait à la voile. Et c'était déjà des ganguis, c'était pas des... Ah, toujours, il y a toujours une gangui ici. Mais comment ça s'appelle? Des bœufs? Non, je faisais pas des bœufs. Ils n'ont jamais fait le bœuf ici. C'était pas assez important pour faire le bœuf, il faut... Des bateaux beaucoup plus sérieux. Ça y est, Guy ? C'était Castel ? La dernière fois, j'ai oublié de vous demander où vous les aviez teints, vos filets. Où je les avais teints, les bleus ? Mmh. C'est moi qui les ai teints, là. Chez vous ? Ouais. Vous avez un chaudron ? Non, même pas. Comme le filet est cruel, le matériau est de... Ce sont des fibres de verre, je ne sais pas, les nylon. On en teint avec de la teinture chimique. Oui. Ça nous exclut beaucoup de teint, c'est-à-dire on n'a pas besoin de chaudron, parce qu'on n'a pas besoin de faire bouillir le tanin comme on le faisait auparavant. Ah oui. Il suffit de dissoudre cette poudre chimique dans un peu d'eau chaude. Alors je mets ça dans deux lessiveuses, je prends l'eau chaude chez moi. L'eau chaude du chauffage central, je la mets... dans les grosses poubelles, vous savez. Non, non, mais d'abord dans les lessiveuses. Je la mets... Ouais. Je la porte à 70 degrés à peu près. Tiens. Allez, à demain matin. On n'oublie pas, il dit à Mina de porter tout ça. Oh, le fascicule et tout. Si tu as de la saleté que tu as passé, tu regardes pour mémé. Et je pose mes filets dans des poubelles en plastique, des grands bacs en plastique, et je vide cette eau mélangée à la teinture. Et j'ai une journée à peine. C'est oui. C'était. Et ça tient la saison. Ça devrait en principe. Oui. Ça devrait. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je verrai ça quand je vais me servir. On n'a tellement pas de facilité que la plupart des cas que j'ai pu, selon les besoins, j'ai acheté le filetting. Oui. Mais en fait, il n'y a guère que vous qui faites ça. Au Salin, il y a Chéré qui le fait aussi. Bon, il y a des questions que j'ai oublié de vous poser la dernière fois. Puis en réécoutant les enregistrements, je me suis aperçue que c'était celle-là. Donc. Quand vous m'avez expliqué pour caler les filets fixes, vous m'avez expliqué que vous faisiez une... Des vaout. Voilà, je voulais vous demander si vous appeliez ça faire vaout. Oui, des vaout. C'est ça. C'est des vaout. D'accord. Les doubles que l'on fait, on appelle ça les vaout. D'accord. Et il y a une direction particulière ici en fonction du courant ou du vent? Mais ça dépend où vous calez vos filets. Si vous calez en bande, il faut que vous sachiez que vous connaissiez la direction des courants. Si vous calez à terre, selon les postes, vous pouvez caler avec un certain courant, vous ne pouvez pas caler avec un autre. Alors dites-moi, expliquez-moi. Mais je ne peux pas vous expliquer. Ah, pourquoi? Parce que ça varie avec les postes, vous ne les connaissez pas. Je vais vous parler des postes, je ne sais pas moi, le poste du petit salier, par exemple. Mmh. Si je vous dis, vous calez avec le courant d'Apoulin et pas avec le courant d'Alévin, ça ne vous donnera rien, Marie-Hélène. D'accord. Mais donc... Je peux vous dire que selon les postes, pour les battues par exemple, je répète, vous pouvez caler avec un certain courant et pas avec un autre, parce que un certain courant vous permet d'éviter des rochers, parce que le poste se situe à proximité des rochers, et si le courant est contraire, vous ne pouvez pas, parce que le courant vous envoie, vous met le filet sur les rochers. Or les filets de poste sont tenus d'éviter les rochers, parce que vous déchirez tout. Oui. Voilà. C'est pour cette raison. Il y a des postes où il y a les courants se craignent dans la mesure où ils sont lourds et qui vous couchent les filets, mais il n'y a pas de risque de déchirure. Selon les postes, ben, vous avez la possibilité d'alourdir beaucoup plus vos filets de poste. Vous voyez, c'est un endroit où il n'y a que de l'algue, ben, vous alourdissez, ça vous permet au filet de mieux tenir. Alors on dit va où t'as le vent et on dit va où t'as Pounin. Va où t'as le vent, va où t'as Pounin. Ça dépend des lieux, de la situation géographique de la côte par rapport à la marche du poisson. Oui. Au sud et au nord, il n'y a rien. Il n'y a pas... Ah ben, si vous calez des filets au nord de l'île, dans des postes connus, vous faites aussi, selon les besoins, va où t'as les vents ou va où t'as Pounin. Mm-hmm. Pareil. Parce que le Pounin et le Lévin existent aussi bien dans la version nord que dans la version sud. Oui, oui, d'accord. Non, mais je veux dire que les courants dominants, donc, c'est ouest et est. Ah, ici? Oui. Ah, les courants dominants, en principe, oui. Hein. C'est ça. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et ça, vous l'avez appris quand vous étiez petit? Oui, j'ai appris par mon père. Hein. Oui. Voilà mon école. Hein. C'est là mon école, hein. Ouais. Comme mon père l'a appris par la signe. Là, il a encore une école. Hein. Le beau travail qu'on vous fait maintenant. Dégueulasse. Il y a des tons. Des machines au niveau des filières avec la tête. Là, le même travail de la machine. Hein. C'est une malfaçon, hein. Oui, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez me dire comment vous avez appris votre métier, si vous avez le souvenir des premiers temps où vous êtes monté sur un bateau? Ça, si, je m'en souviens. Je m'en souviens, je peux aussi dire les circonstances. En ce qui me concerne. C'était en 1940. J'étais au collège Rouvière à Toulon. En octobre 40, je suis rentré au collège Rouvière dans ma deuxième année. C'était la pleine époque de guerre. J'avais envisagé de faire ajouter un mécanicien. C'était d'ailleurs au collège Rouvière ce que je suivais en technologie. De la technologie pour ajouter un mécanicien. Et comme c'était l'époque de la guerre, mes parents craignaient que je ne trouve pas de travail pour faire mon apprentissage. Mon père m'a dit, tu viens avec moi la mer. Voilà comment est née ma vocation de pêcheur. Vous voyez ? Oui. Quoique tout petit, nous habitons déjà au Salé, mon papa bien sûr était pêcheur de la tradition, hein. Tout petit, j'allais à la pêche avec lui comme ça pour amuser. Et toute personne, en étant jeune, est attirée par l'eau. Mais néanmoins, de tout petit, je n'avais pas gardé dans l'idée de faire le pêcheur. Pour des raisons de travail, des raisons économiques, nous sommes retrouvés à Toulon. C'est là, je vous dis que j'étais au collège Rouvière et... Papa était resté ici, mais moi, avec mon frère, nous avions été habités à Toulon pour que tu ailles à l'école au Rouvière. Donc, depuis novembre 40, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans parce que... Comment dirais-je? Je suis de octobre, le 1er octobre. 1940, j'ai fait le premier gagnant. Et en novembre, un mois après, j'étais à bord de mon père. Alors j'ai fait mes premières heures d'apprentissage, avec tout ce que ça comporte, de bon et de mauvais, de la rigolade, de la pleurniche, de la difficulté, tout comme ça. Et papa m'a embarqué sur le rôle en février 41. Et je ne faisais que la pêche au palanque. Et à la ligne. Et ce n'est que en 51, donc 11 ans après, que papa m'a dit, tu vas passer dans le trou derrière, parce que c'était l'endroit où l'on travaillait, quand on tient les palangues, quand on tient les palangues, on appelle ça le trou d'homme. Il a dit, tu passes derrière, mais tu vas faire le patron. Au bout d'11 ans, 12 années, ça fait quand même quelques années d'apprentissage, ça vous croyez pas? Oui. Hein? Tout en participant pleinement au métier, je savais tout ce qu'il fallait faire pour préparer, pour tout, mais c'était pas moi le patron. Ouais. Et en 51, je me suis trouvé patron. Voilà. Et il a pris cette décision, pourquoi? Parce que vous jugez compétent? Parce qu'il jugeait que... Depuis tant d'années que je faisais ce travail, je pouvais prendre la responsabilité d'assumer d'assumer la responsabilité de patron. Voilà pourquoi. Et lui, à ce moment-là... Ah, ben, il était avec moi au bateau. Oui. Il était avec moi. Et il m'a même repris plusieurs fois pour faire des remarques, des conseils. Je crois qu'il serait encore là. Si tu encore tout le monde. Et quand ils sont en mer en train de faire le plan, ils m'en diraient encore maintenant. Ça, c'est inné, c'est sur soi. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Hein. Mmh. Ah, oui. Et puis le dimanche, je ne voulais pas qu'ils sortent. Ah, ben ça, c'était oui. Les pêcheurs, ce temps-là, le dimanche était un jour de mauvais temps. Si dimanche, ils avaient beau être jeunes, s'ils voulaient. pouvait sortir. Le dimanche, s'il faisait beau, on allait pêcher. Et à 17 ans, j'ai dit à maman, j'ai dit, tu devrais dire un peu à papa que moi, le dimanche, je voulais m'amuser. 17 ans. Et mon père, pour lui, le dimanche, c'était lorsqu'il faisait mauvais temps. Oui. Parce que le fait qu'on n'allait pas travailler, c'était le temps de distraction. Voilà. Il fallait que je mange une dame pour les laisser aller. Et alors, il y avait beaucoup de dimanches dans une année? Ben, c'est pour que du temps, hein. Oui, mais c'est ça, mais... Là, sur le calendrier, nous savons qu'il y en a 52. Oui, ça, je sais. Hein? Mais mon père, le chiffre de 52, il n'a jamais su s'il y en avait en plus ou en moins. S'il avait fait beau 4 dimanches dans le mois, avec 4 dimanches, on était à la mer. Hein. Et il avait fait mauvais temps 4 lundis, avec 4 lundis, on était à terre. Voilà. C'était dimanche pour lui. Le dimanche, c'était le jour où on ne travaillait pas à la mer. Voilà. Et il n'était pas le seul. Hein. C'était la méthode des anciens. Hein. Les anciens, ils étaient élevés à la dure et pour les besoins du moment. Hein, c'était comme ça. Hein. Ça se passait pas autrement. Hein. Ils ne s'en rendaient même plus compte. Comme vêtements à l'époque, parce que maintenant vous les achetez tout faits. Comme vêtements le... Oui. Eh bien, j'ai commencé la pêche, moi, à mon âge. Je n'avais pas de bottes et je n'avais pas de pantalon ciré. Je me mouillais autant que mon métier me demandait de me mouiller. Alors, mes premières bottes, ça a été des galoches en bois, surmontées de toile, clouées et peintes. Oui. Après, on a commencé par un tablier devant. Et puis après, j'ai eu les pantalons cirés. Mais j'ai commencé sans pantalon et sans bottes. C'est-à-dire avec des pantalons normaux? Des pantalons normaux, là. Ouais, ouais. Des pantalons qui étaient usagés, qui étaient faits pour ça, pour le travail. En arrivant à terre, ben, c'est changé. Pas de pantalons cirés. Vous mettiez pas les bleus? Ah ben, si c'était en été, oui, mais si c'était en hiver, les pantalons étaient plus épais. Oui. Vous voyez, des pantalons de circonstance. Et mon papa, lui, l'a mieux connu. Lui, il a connu à pieds nus, lui. Même en hiver, ça est ciré pieds nus. Ah lui, oui. comme tout à fait ciré, oui. Ils en ont eu de la dure, vous savez, les gentils, hein. Encore plus que ce que nous avons connu, parce que moi, un peu de temps après, ben, ça s'est amélioré. Oh, même au début que vous étiez jeune, vous autres, il y avait encore les pêcheurs, qui étaient tous pieds nus. Alors moi, je criais, je voulais pas, je voulais qu'ils mettent des pantoufles, oui. Je disais, si vous rentrez quelque chose dans les pieds, ils avaient pris l'habitude de les pieds. Ils avaient une semelle sous le pied. Sur ah ouais, c'était la corne, quoi. Oui. Ah, mais c'était plutôt la belle saison, quand même, en hiver. L'hiver, tu ne laissais pas marcher plus. Ah, non. Mais l'été, ça ne me plaisait pas, quand même, parce qu'ils peuvent se rendre de verre ou quoi. Et en haut, qu'est-ce qu'il y avait? Ça. Ah ben. Habillé comme on est comme ça, mais plus l'envers. Ouais. Comme on est maintenant. Pas de gros, pas quelque chose de plus gros, genre ciré. Ah ben, disons une grosse veste, si besoin était des cabanes qu'on avait avec la marine ou des vareuses. Oui. Ouais, on arrivait à avoir des vêtements de la marine. Les gars qui revendaient leurs habits, qui étaient déjà un peu usagés. On recherchait ça. On était dans un coin privilégié ici. Même les pêcheurs de Toulon. Les pêcheurs de Toulon avec l'arsenal à côté, c'était facile. Ou même sur le Quai-Coltois de trouver des matelots qui étaient en besoin d'argent, hein, qui vendaient leur linge et compagnie. Hein. Oui, parce qu'ils avaient payé leur sac. C'était même souhaitable pour le pêcheur, avec un avantage. Hein. Et les pantalons de drap, ben, l'hiver, c'était agréable. Hein. Et la casquette que vous portez, vous l'avez toujours portée? Oh non, non. Non, ça c'est depuis quelques années parce que étant donné que mes cheveux se diminuent, dis donc, pour éviter le poids à la tête. Sinon j'étais une tête, il n'y a que l'hiver. L'hiver, mais c'est le passement de sa mère. Ah oui. Pour la mer. C'est très, très avantageux. Et alors à l'époque où il n'y avait pas de coopérative pour vendre des vêtements ou des choses comme ça, c'était qui les faisait? Eh bien. On a fait ça ailleurs. Parce que là, on a sur le port qui vendent des choses. Il y a eu le magasin de la marine. D'ailleurs, ailleurs aussi. avait hier, il y avait tout là. On s'avitaillait là. Magasin ça, c'est les. La coopérative d'avitaillement ici est née à. Peut-être. Aux années 60. Depuis 1965, peut-être la coopérative d'avitaillement existe là. Ouais. Ouais. Environ. Ouais. Et ça a été un bienfait pour beaucoup de pêcheurs, hein. Même des alentours. Tous les pêcheurs des alentours bénéficient. Et les sabots dont vous me parlez avec de la toile, qui est-ce qui ça, c'était pas local. La toile, on essayait de récupérer de la toile de marine, vous voyez, ouais. Du bon chamois. Alors, les cordonniers nous les découpaient sur la galoche. Ils épousaient, à la coupe, ils épousaient la forme de la galoche. Et ils les clouaient dessus avec l'aide d'un petit galon en cuir. Vous voyez, ouais. Ça se clouait au pourtour et ça faisait la jambière, là. Et cette partie-là, on l'a mouillée à l'eau douce. Alors, ça fait que tant que la toile était en chamois, elle se raidissait. Ça nous permettait de bien la peindre. On la peignait avec une bonne épaisseur. Ça faisait une partie, cette partie enduite de peinture, ça la rendait imperméable, vous voyez, oui. Et ça nous protégeait là. Mais en arrivant, il fallait les faire sécher parce que le bois, il arrivait à prendre l'humidité. Mais on arrivait à tenir les pieds chauds mieux que ce qu'on était dans les boîtes maintenant, dans le bois. Mais pour ceux qui faisaient le gangui, c'était du tape-cul, hein. Sur le point, il fallait faire attention parce que vous glissiez facilement, ben vous retrouviez. Et cette peinture, c'est la même que celle du bateau? Oh ben oui, on appelait la même. Hein. Ouais. Dans beaucoup de cas, on appelait ça la peinture de magasin général. Hein. Magasin général, c'était la marine. Hein. Quand on pouvait avoir une moque de peinture en douce, c'était la partie économique. Hein. Ouais. On n'avait pas l'acheté. Hein. Alors c'était de toutes les couleurs? Bon, c'est du gris qu'on passait. Ah oui. Principalement du gris. Vous appelez ça du gris cuirassier aussi? Du gris comment? Cuirassier. Ah non, du gris. Du gris. Du gris. Oh, puis teignait les vareuses. Comme il teignait les filets et les vareuses d'été. Ah, mais les vareuses d'été en toile là. En toile, il était. On est passé au tannin. Ah, oui. Là, c'est la première couleur brique. Hein. Ouais. Et ça les a imperméabilisés aussi? Ah ben non, c'était pour l'été, hein, c'était pour des vêtements de saison avantagés. Hein. Ouais. C'est de même que les voiles. Les voiles, on les passait dans le tannin aussi. Les voiles de bateau. Oui. Parce que c'est voile blanche. Et puis pour pas qu'elles s'abîment aussi. Ça avait le côté de conservation. Qui les fabriquait, les voiles? Et dans beaucoup de cas, c'est les pêcheurs qui se les faisaient. Et certains pêcheurs étaient plus doués que d'autres. Certains pêcheurs arrivaient à étudier les voiles qu'il fallait pour le copain. Ils leur coupaient, ça s'arrangeait. C'était. Monsieur Gordon avait coupé ça à papa que je. Ouais. Il y avait un esprit de solidarité nettement plus marqué que ce qu'il est maintenant, hein, ouais. Parmi la jeune pêcheur. Voilà. Mais c'était la vie qui nous demandait ça. Les contacts étaient plus chauds, plus fréquents, parce qu'on était un noyau, on vivait ensemble jusqu'à l'après-guerre. À l'après-guerre, on a commencé à avoir les moyens de locomotion, chacun a pu s'émanciper, ça a écarté beaucoup de la vie et des mœurs que nous avions. Les coutumes ont été délaissées, tout ça. Mais on a connu quand même de bons moments, tout en étant. C'était beaucoup plus familier avant. On vivait. Pas chichement, mais plus sobrement avant, vous voyez. Mais on était plus rattachés les uns aux autres. Donc, c'est pas que maintenant... Mais c'est pas pareil quand même. C'est pas pareil. C'est même pas pareil. Hein. C'est pas comparable. On ne vit plus de la même façon. On a l'impression de se jalousier maintenant. Vous passiez, vous étiez à table. Tu arrives, tu n'as pas à manger, peut-être, mets-toi à table, mange avec nous, ce qu'il y a. C'était familier, vous savez, c'était. Ah, il y avait un autre. C'était. Ah ben c'est la guerre, la guerre a beaucoup changé, a changé beaucoup de. La guerre a fait changer les gens. Qu'est-ce que c'était les travaux qui, attachés à la pêche qui nécessitaient une entraide ou qui suscitaient une entraide? Les travaux attachés à la oui, pêche. Bon, par exemple, couper les voiles ou coudre les voiles, je ne sais pas. Il y avait d'autres choses que vous faisiez non. par entraide comme ça? Les câbles. Certains bateaux, quand on faisait les câbles, certains cédaient les uns aux autres. Les autres, certains se suffisaient. Ouais. Hein. Mais pour ce qui est de filets déchirés, en principe, chaque équipage avait son savoir. Il y avait déjà le patron, puis les matelots étaient dressés pour. Dans la vieille école, jusqu'au niveau de la guerre. Le patron, il faisait compte en fin de semaine que lorsqu'il était venu à bord, il se rendait compte que le bateau avait été nettoyé. Il y a des patrons qui étaient durs. Hein. Le bateau qui avait été pêché la semaine, il fallait qu'en fin de semaine, avant de faire les comptes, que ça soit tout nickel à bord. Tout propre. Hein, ouais. Les anciens patrons ont amené le nouveau patron dans une certaine ligne. Un patron de cette époque-là est arrivé à avoir sa part de responsabilité pour pouvoir avoir une vie de travail normale, alors que certains autres se laissent désirer parce qu'ils n'ont pas connu cette hiérarchie d'ordre qui était nécessaire et indispensable. Ça avait le côté dur, mais bon en même temps parce que ça vous dressait un homme. Oui. Ouais. C'est un apprentissage dur, mais valable. Il avait sa raison d'être. Hein. Parce que le bateau, vous ne le nettoyez pas à chaque sortie? À chaque sortie? Non. Même pas maintenant. Mais même pas à coup de. Ah, mais ça, laver le bateau sur le pont, j'ai rien. Ouais. Moi, je parle de nettoyer le bateau à l'intérieur. Ah, le moteur nettoyé, les alentours du moteur tout nettoyé, la cale propre. Oui. Ah, oui. Oui, ça, le dessus, le fond. En faisant les filets, comme je fais par exemple l'été, eh bien, tous les jours, lorsque les filets sont à la mer, vous levez les pailleurs, vous nettoyez la cale. Oui. Hein? Vous le passez au carénage tous les ans, le bateau? En principe, il faut passer tous les 6 mois. Oui. Et plus le bateau est petit, et plus souvent vous carénez. Parce que plus le bateau est petit, plus sa constitution est étroite et fine. Et il s'imprègne beaucoup plus vite. Hein. Vous voyez? Oui. Un bordé de 10 mm, hein, soit plus vite imbibé qu'un bordé de 30 mm. Hein. Vous voyez? Oui. C'est la même chose. Et en quelle saison ça se fait? Ben, la saison, en principe, elle se situe au niveau du besoin, d'une part, mais d'autre part, on essaie, dans la mesure du possible, de choisir un besoin de mise en traitement de mécanique hein, ou choisir un temps ou un temps de mifal assez qui va se préparer pour produire quelques jours. Vous voyez, c'est déjà un temps qui est plus profitable, le soleil et le vent vous donnent la main à mieux sécher les eaux vives du bateau. Oui. Et alors là, vous le faites où au port? Eh bien, avant, nous le faisions ici. Ah. Maintenant, on ne peut plus le faire parce qu'il n'y a plus de cale de halage. Voilà. Alors, il faut aller. Il a enlevé. Il faut aller soit à Simone Berriot, au chantier Fine, soit au Port d'Éan. Ah, d'accord. On ne peut ici qu'à l'aide de copains ou d'une voiture sortir des petites unités, des petits pointus. Mais sinon, le bateau Gangui ne peut pas sortir là. Oui, parce que justement, j'ai essayé de voir où était l'aire de carénage et puis je ne la voyais pas. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Elle existait. Nous avions une belle. Mais ça fait partie du délaissement local. Bien, comme. C'est dommage. Ils n'ont pas voulu le faire, les pêcheurs, participer à la réparation que la mairie leur avait dit. Et ça fait qu'ils l'ont laissé. Puis après, ça ne marchait plus. Ils ont tout démoli. Et elle a disparu quand alors? Elle n'existe plus depuis quand le. La cale d'halage, chez nous, ça fait déjà longtemps. Elle existait, mais elle ne servait plus. Mais quand on l'a levé, certains bateaux tiraient encore la marine, et puis la marine n'a plus voulu. Il n'a plus voulu que les pêcheurs carènent chez eux. Ce qui fait qu'on a été tenu de... Il y a bien 5 ans qu'on a... De se débrouiller par nous-mêmes. Roger. Hein? Il y a bien au moins 5 ans que ça a été tout levé. T'en as pas? Oui. Autant que 5 ans. Plus? Oh, bien sûr. Bien sûr que ça peut être 5 ans. C'est bon. Et ça manque, hein? Même pour le mien, le oui. Tout petit, je peux faire où je veux, mais l'autre, ça manque, hein? Je suis obligé de le reporter, là. Et ça coûte, hein? Et on paye pour ça? Ah. Vous payez quand vous tirez à terre, quand vous le mettez à la mer, et les jours, temps par jour, tant que. Ouais, vous avez la sortie de l'eau, vous avez la mise à l'eau, vous avez le nettoyage de la carène. Vous avez la carène. Hein? Et autant par jour de séjour. Ce qui vous amène à des sommes importantes. C'est cher même, temps par jour. C'est combien que vous payez par jour? Ça vous a coûté. Selon les. D'ailleurs, il le doit le carénage au patron. Mais vous voyez, c'est pas la charge du patron, ça va de tout, hein, c'est son matériel. Il prenait le départ de. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, ça fait quoi à peu près ça? Oh, pour un dandy, oui. Je veux dire deux fois par an, carénage et peinture. Qui l'entretient dans les bonnes proportions, et bien ça correspond à 220 000 francs, 2200. Oh, qu'est-ce que je dis, 2200, je l'entends m'en dépasser. Je tire le mien qui fait 8 mètres, hein. Je passe une semaine au sec, avec un carénage propre, mise à l'eau, mise à sec, les temps de séjour. Et le carénage, je passe déjà les 600 francs. Et ça a dû augmenter cette année. Alors si vous ajoutez ça sur les peintures dessus, pour un bateau gagné, dessus le pont, les blancs et le dessous de coque, en deux fois de l'année, et c'est une affaire qui passe les 3000 francs. 3000 francs facile. Ouais. Le matériel est venu trop cher maintenant. Mais vous le faites vous-même quand même. Ça dépend. Ah. Ça dépend. On arrive à un stade où, avec l'âge, ça devient difficile de carrer un bateau. Seul. Et là, justement, à ce niveau-là, il n'y avait pas autrefois. Une mise en commun du travail entre les pêcheurs ou... Ah non, ça incombe uniquement l'équipage. Hein. D'accord. Uniquement l'équipage qui est concerné là. Mmh. Le patron, bien sûr. Si un copain venait aider, comme dans le temps ici par exemple, on tirait le bateau, mais on fait tourner le toit à la main. Bon, mais un copain qui venait, on donnait la main pour la manivelle. Là. C'était du bénévolat, ça c'était par amitié, mais c'était pas une obligation. C'était arrivé plusieurs fois de voir un copain qui était le bateau à terre, de le regarder. Parce que quand c'était votre tour, ben c'est lui qui vous regardait. C'était une situation normale, hein. c'est pas exagéré de part et d'autre, c'était comme ça. Hein. Oui. C'est celui qui voulait participer par amitié à tourner le toit, ben il le faisait. C'était pas refusé, hein. Mmh. Hein. Et à l'époque, justement, où il y avait les voiles, et donc il y avait des mâts et des choses comme ça. Bien, à l'époque où il y avait les voiles, beaucoup de carénage se faisait dans le petit canal que vous avez pu voir, là. Ah oui. Hein? Alors, les bateaux, ils abandonnaient le bateau tout à fait d'un côté, prenaient le palan. Il frappait le palan sur le quai, il mettait le bateau presque à sortir la quille. Il mettait la moitié du bateau dans l'eau, tout en écouvrant le dessous. Oui. Il le nettoyait et il passait la sous-marine comme ça. Ils passaient le bateau de l'autre côté, ils faisaient l'inverse, sans sortir le bateau de l'eau. Oui. Voilà. C'était pas la meilleure solution parce que le bateau n'avait pas le temps de se sécher. Et c'était critique pour le tsar. C'était une pratique qui ne se développait pas à l'échelle générale. Hein. C'est ce que j'aime. Et l'époque des bateaux à voile, on tirait plutôt le bateau sur les palas. Vous voyez. Ah, les premiers bateaux, ils s'en sont venus. Hein, pour... Pour les réparations des... Des mécaniques, hein. Des mécaniques, il y en avait. Mais venez. Ah ben, c'est la première mécanique, M. Godon, on a dû vous le dire. C'est un des premiers qui a mis le moteur. Oui. Vous l'avez dit. Je vous l'avais dit, papa. Oui. Ah, lui, vous saurez beaucoup de choses. Je vous l'ai dit que c'était eux qui a mis. C'était un peu les pionniers de la pratique, hein, et de son évolution. Les Godon, là. Je me demandais si à l'époque de la navigation à voile, par exemple pour réparer un mât ou pour réparer une pièce du bateau, enfin je ne sais pas, vous vous serviez dans la forêt ou si... Non, pour ce qui est des mâts, il existait des charpentiers navals à l'époque. Oui. Et il y avait facilité en la dépense pour le besoin. Parce que c'était beaucoup moins cher que ça n'allait maintenant. Et la majorité des mâts étaient en piche-pain, en pain de lande, vous voyez. Oui. C'était un pain résineux qui avait sa flexibilité avantageuse pour le travail, de bonne conservation, et par l'intermédiaire d'un chantier naval qui vous traitait. Mais par la suite aussi, il y a eu le commencement où on pensait à l'économie. Alors c'était les poteaux électriques. On avait la possibilité d'avoir un poteau électrique. Oui. Il fallait bien le faire raboter, le traiter. Et ça s'avérait aussi bon. Ouais. Et plus économique. Voilà. Dans beaucoup de travaux de bord, ce sont les pêcheurs qui se le faisaient même. Ah, t'es encore toi. Attends, je vais te rentrer. Vous m'accordez 5 minutes, hein? Je vous accorde tout le temps que vous voulez. Ouais. C'est vous qui m'accordez votre temps. Je vais lui donner son assiette de du récif artificiel. Parce que dans la définition de mon métier de palangrier, on a toujours recherché le rocher. C'est autour d'un rocher que l'on retrouve un poisson, parce que le rocher est un abri. Parce que le rocher permet au poisson de s'abriter, permet au poisson de trouver sa nourriture, permet au poisson de se reproduire. Tandis que le plat, le livre, le poisson le fréquente, c'est sûr, mais de façon autre que dans le lieu où il se sent en sécurité. Et la démonstration a été faite que chaque fois qu'il y avait une épave dans l'eau, on a retrouvé des poissons. Ce n'est pas particulier à ici, parce qu'ici on fait l'artisanat par tradition. Mais dans les prud'homiotes où on ne fait pas l'artisanat, les pratiques locales ressentent le besoin de retrouver un rocher, une sèche au fond, un sec. Parce qu'ils savent que c'est là qu'ils vont toucher un poisson. Donc, l'artisanat se trouvera plus opposé à ça, parce qu'il va à l'encontre de heurts vis-à-vis de son métier. Il va s'accrocher, il va s'arrêter, il risque de déchirer. Oui. Et moi, je suis pour. Et ça, vous appelez ça un fond dur? Ah non, un fond dur, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est un fond dur? Un fond dur est un fond qui est constitué de gravier, de, non pas de roches, mais de ce qu'on appelle nous ici des tuves. Les tuves, ce ne sont pas des rochers. On penserait à des vestiges volcaniques. Hein.